Vous écoutez France Culture. Un long dimanche de fiançailles. De Sébastien Japrisot. Adaptation Catel Guillou. Troisième épisode. Le beau temps d'avant. Manèche, le fiancé de Mathilde, n'a pas été fusillé. D'après le témoignage du sergent Esperanza, personne n'a vu sa dépouille et le caporal Urbain Chardolo a même laissé entendre qu'il pouvait s'en être sorti. Ces révélations ont aussitôt ravivé les espoirs de Mathilde. Avec l'aide de Sylvain, son deuxième père, elle a décidé de faire tout ce qui était en son pouvoir pour retrouver son fiancé. Mathilde ne pouvait se résoudre à la mort de Manèche. Grâce aux lettres que Daniel Esperanza lui avait données, elle s'était mise en tête d'aller interroger les proches des quatre autres soldats disparus à Bingo Crépuscule. C'est ainsi qu'en octobre 1919, nous sommes arrivés à Paris. Celui qu'on appelait Sissou avait pour véritable nom Francis Guignard. Sa femme, Thérèse, était maintenant blanchisseuse à Cachan. Elle tenait boutique sur une petite place où tournoyaient dans le vent les feuilles mortes des platanes. Elle avait 31 ans, une silhouette fine, des cheveux blondes polonaises, des yeux bleus malicieux. Vous savez comment votre mari est mort ? En avril 17, j'ai reçu un faire-part de l'armée qui indiquait tuer à l'ennemi. Mais après l'armistice, l'un de ses compagnons de tranchée est venu me voir pour me dire qu'il s'était tiré un coup de fusil dans la main gauche et qu'on l'avait condamné pour ça. Vous n'avez pas cherché à en savoir plus ? Non. Aujourd'hui, j'ai deux petites filles à élever. Je touche une pension. J'ai rencontré un homme qui veut m'épouser. Il est gentil avec les petites. On ne choisit pas sa vie. Francis avait un cœur d'or. Je suis sûre qu'il m'approuverait. Vous permettez que je continue mon repassage ? Les filles vont bientôt rentrer de l'école et je n'ai pas fini mon travail. Oui, bien sûr, je vous en prie. Vous vous souvenez des grèves des sablières, à Draveil, en juillet 1908 ? J'en ai entendu parler, oui. Francis faisait partie des blessés quand la cavalerie avait chargé les grévistes et fait tant de morts. Il détestait Clémenceau comme la rage. Oh, il serait pas fier de savoir qu'on l'appelle aujourd'hui le père la victoire, cet assassin des ouvriers. Il était très investi dans le syndicalisme, n'est-ce pas ? Oh, mais il n'avait pas que ça en tête. Il y met les balles au bord de la Marne et la bicyclette au moins autant que la CGT. Il avait suivi Garrigou comme mécano sur le Tour de France de 1911, pendant ce mois de juillet terrible où il faisait si chaud. Le soir où Garrigou a gagné, j'ai dû le ramener ivre-mort dans une brouette de la Porte d'Orléans à Bagneux. J'étais enceinte de presque 6 mois de ma première. Le lendemain, il avait tellement honte qu'il n'osait pas me regarder. Il a passé presque toute la journée avec une serviette sur la figure, comme les pénitents du Moyen-Âge. C'est la seule fois où je l'ai vu ivre. Il ne buvait pas, ou alors seulement un verre de vin à table. Et encore, c'est parce que je lui avais dit un jour ce que m'avait répété ma grand-mère. Après la soupe, un verre de vin, autant de moins dans la poche du médecin. Bon, non, ce n'est pas lui qui aurait gaspillé sa paye à jouer ou à boire dans les bistrots. Sa seule distraction, c'était le vélodrome d'hiver. Il connaissait tous les coureurs. Si nous avions eu un fils, je suis sûre qu'il en aurait fait un champion cycliste. Maman, maman, regarde toutes les feuilles que j'ai trouvées par terre. Bonjour les enfants. Bonjour madame. Je lui ai dit que c'était sale, mais elle n'écoute jamais. C'est pour moi ? Oh, merci ma chérie. Il y en a des rouges. Mathilde des avait jaunes, écrit à la femme de cet homme, qui s'appelait en réalité Benoît Notre-Dame, chez eux, en Dordogne. Mais la lettre lui était revenue avant qu'elle quitte Cap-Breton avec la mention « N'habite plus à cette adresse ». Mathilde avait alors écrit au maire du village, Cabignac. C'est le curé qui lui a répondu. « Ma chère enfant, le maire de Cabignac M. Auguste Boulu, est décédé cette année. Celui qui le remplace, Albert Ducot, s'est installé ici après la guerre, qu'il a faite honorablement dans les services de santé. C'est lui qui m'a remis votre lettre, parce qu'il n'a pas connu Benoît ni Mariette Notre-Dame. Moi, je les ai mariés à l'été 1912. J'ai connu Mariette enfant, et Benoît, qui ne venait pas au catéchisme, je lui ai appris chaque fois que je pouvais l'attraper dans les champs où il poussait la charrue, la gloire de Jésus et de Marie. Tous les deux sont des enfants assistés. On a trouvé Benoît à quelques kilomètres de Cabignac, sur les marches de la chapelle Notre-Dame des Vertus. D'où son nom. C'était un 11 juillet, fête de Saint-Benoît. D'où son prénom. Un monument aux morts provisoire a été dressé cet été sur la place, devant mon église. Le nom de Benoît Notre-Dame y est inscrit parmi ceux des 16 enfants de Cabignac morts pour la patrie. On comptait ici moins de 30 hommes mobilisables en 1914. C'est vous dire comme la guerre nous a éprouvés. J'ai senti, mon enfant, un peu d'emportement dans votre lettre à Monsieur le maire. Personne ne sait comment est tombé au combat Benoît Notre-Dame, mais tout le monde ici est sûr que c'était un rude combat. Il était si grand, si fort, qu'il fallait l'enfer pour l'abattre, ou alors, je me tais, la volonté de Dieu. Mariette a reçu la terrible nouvelle en janvier 17. Aussitôt, elle a mis la ferme en vente, qu'elle ne pouvait plus tenir. Elle a vendu ses meubles, et elle est partie avec son petit Baptistin dans les bras, assise dans la carriole du père Triet. Quand je l'ai vue, je me suis accroché au cheval. Mariette ! Mariette ! Mariette ! Mais que fais-tu ? Qu'est-ce que tu vas devenir ? Ne vous souciez pas de moi, mon père. J'ai des amis près de Paris, et je trouverai du travail. Et puis, il me reste mon petit. Ôte 3 dollars, le curé. Et tu vas voir que je vais te bénir avec mon fouet, moi. Deuxième. Allez. Ce vieux Grigou avait perdu ses deux fils et son gendre à la guerre. Depuis, il maudissait Dieu. La confirmation de la mort de Benoît est arrivée en avril 17. Je l'ai immédiatement acheminé à l'adresse provisoire que Mariette m'avait donnée, un garni au 14 de la rue Gay-Lussac, à Paris. Depuis lors, plus personne n'a eu de ses nouvelles. Peut-être pourrez-vous la retrouver en interrogeant les propriétaires de cette maison. Dans ce cas, je vous saurai gré infiniment de m'en avertir. J'aimerais tant savoir ce qu'elle et l'enfant sont devenus. Votre dévoué en notre Seigneur, Anselme Boileroux, curé de Cabignac. Mathilde a aussi écrit à Tina Lombardi, la compagne d'Ange Bassignano, alias Droit commun. Comme lui, lors du jour fatidique, elle a confié sa lettre aux bons soins de Madame Comte, 5 Traverse des Victimes, à Marseille. C'est cette dame qui lui a répondu, à l'encre violette, sur des feuilles détachées d'un cahier d'écolier. « Très chère mademoiselle, je n'ai pas revu Valentine, ma filleule par affection, depuis le jeudi 5 décembre de l'année dernière. Elle avait l'air d'aller comme d'habitude. Elle avait sur elle une robe bleue à pois blanc, très jolie mais courte, à voir ses mollets. Vous imaginez le genre. Elle m'a dit que c'est la mode, mais je suis certaine que vous ne portez pas de robe pareille. Vous êtes sûrement bien honnête et instruite, vous. J'ai toujours affectionné Valentina depuis qu'elle est née, le 2 avril 1891. Sa mère est morte en la mettant au monde, j'avais 23 ans, alors vous imaginez mon plaisir quand je la berçais dans mes bras. Surtout que son père, Lorenzo Lombardi, ne pensait qu'à boire et à chercher querelle à ses voisins. À 13 ou 14 ans, elle a connu ce Ange Bassignano qui n'avait pas eu meilleure vie qu'elle. Elle l'a suivi dans sa déchéance et mené la grande vie jusqu'à ce qu'il se bagarre avec un autre voyou du quartier et lui plante un couteau dans l'épaule. Après, elle allait tous les samedis le voir à la prison Saint-Pierre et il ne manquait de rien avec elle. Et après encore, quand ils l'ont envoyée à la guerre en 1916, elle l'a suivi aussi partout dans les secteurs où il était, parce qu'il avait un code secret dans ses lettres à lui pour qu'elle sache toujours où le retrouver. Vous imaginez cet amour et ce qu'elle a pu devenir, une fille à soldat. C'est moi qui ai appris la première que ce Ange Bassignano avait disparu à la guerre par les gendarmes le samedi 27 janvier 1917. Entre-temps, le mardi 16 janvier, j'avais reçu la dernière lettre qu'il avait fait écrire pour Valentina. J'ai été bien étonnée de la recevoir parce que depuis qu'il avait quitté la prison, je n'étais plus à poste. Et bien étonnée aussi de ses douces paroles, mais il mentait comme un arracheur de dents et je pense que les douces paroles n'étaient là que pour ce code secret avec ma filleule. À cette époque, je n'avais qu'une adresse postale pour Valentina parce qu'elle courait la zone désarmée et ne restait jamais bien longtemps dans le même secteur. J'ai quand même expédié la lettre et elle l'a reçue. C'est comme ça qu'elle a retrouvé la trace de son amoureux et su ce qui lui était arrivé. Elle me l'a dit après, quand elle est revenue me voir le mardi 13 mars 1917. C'est dans la Somme que ça s'est passé. Ils disent qu'il est mort. Ma pauvre petite. Pleure, allez, pleure donc. Ça te fera du bien. Mais j'ai pas envie de pleurer. La seule chose que je veux, c'est faire sauter le caisson à tous ceux qui ont fait du mal à mon Nino. Après, je l'ai plus vue de quelques temps, mais elle m'a écrit une lettre de Toulon pour me dire qu'elle allait bien et que je ne me fasse pas de mauvais sang pour elle. Et puis, le vendredi 27 avril, les gendarmes sont venus apporter l'avis de décès officiel de cet ange de malheur. J'ai dit bon débarras. Vous me comprenez, mademoiselle. C'était un pauvre enfant perdu, mais il était devenu un démon pour ma filleule. Sur le papier, il y avait écrit « Tout est à l'ennemi » le 7 janvier 1917. Mais rien pour dire l'endroit où il était enterré. J'ai écrit à Toulon et en juin, Valentina est revenue me voir. Elle avait repris du poids et des couleurs. J'étais bien contente. Surtout qu'elle ne parlait plus de son Nino. Après encore, et presque tous les mois jusqu'à ce jeudi 5 décembre 1918 que je vous ai dit, elle est venue ici avec des cadeaux et des gâteries. On dînait ensemble dans la cuisine. Maintenant, je ne sais pas ce que ma filleule est devenue. J'ai reçu d'elle une carte de la Ciotat pour mon anniversaire en février de cette année. Après, on m'a dit qu'on l'avait vue à Marsiglia avec les filles du panier et puis qu'elle était en maison sur la route des Gardanes. Mais tant qu'elle ne me l'a pas dit elle-même, je ne crois personne. C'est facile d'être mauvaise à langue. En tout cas, quand je la reverrai, parce que je la reverrai, je prendrai le droit de vous écrire à son adresse. D'ici là, je forme mes plus belles pensées pour vous, très chère mademoiselle. Madame veuve Roberto Conte, né di Bocca. Kléber Bouquet, dit l'Esquimau, avait adressé sa lettre à un certain Louis Tessier, au bar chez Petit Louis, 27 rue Amelot à Paris. Le bar de Petit Louis était une salle aux boiseries sombres, tout en longueur qui sentait l'anis et la sciure. Deux lampes éclairaient un plafond et des murs qui n'avaient pas été repeints depuis un bon moment. Derrière le comptoir en zinc, au-dessus d'une rangée de bouteilles, étaient accrochées des photographies de boxeurs en position de combat. Toutes étaient encadrées de bois verni. C'est l'Esquimau qui m'a fait les cadres, mademoiselle. Mademoiselle ? Mathilde. Ah ! Et l'Esquimau, il m'a aussi fait la maquette du voilier qui se trouve au fond. Elle est un peu fatiguée, hein, mais vous l'auriez vu quand il me l'a donné. Un vrai bijou. Non, c'est très réussi. C'est l'exacte reproduction du Samara, le bateau qu'il avait conduit de San Francisco à Vancouver, du temps de sa jeunesse. Ah ça, il était pas embarrassé de ses doigts, l'Esquimau. Vous ne l'appeliez jamais par son prénom ? Kléber, de temps en temps. Comment avez-vous appris sa mort ? C'est une veuve de la commission du devoir qui est venue me l'annoncer ici à la fin de janvier 1917. Elle revenait de l'immeuble de la rue d'Aval, à deux pas, où l'Esquimau avait son atelier avant la guerre. Vous n'avez pas eu d'autres précisions sur les circonstances de sa mort? Ni sur le lieu où il est enterré? Si. Quelques mois plus tard, un monsieur de la mairie est venu m'apporter le papier officiel avec la mention « Tué à l'ennemi » le 7 janvier 1917. Il voulait savoir si Kléber avait des parents qu'on pourrait prévenir. Je lui ai dit que j'en connaissais pas. Et une certaine Véro, ça vous dit quelque chose? Véronique Passavant? Bien sûr, je la connais. Qu'est-ce que je vous sers? Rien, merci. Donc vous disiez Véronique Passavant? Oui, je la vois encore ici, quelquefois. Elle vient à l'heure de la fermeture boire une tasse de café près du poêle et parler du beau temps d'avant, comme elle dit. Elle était déjà en ménage avec Kléber en 1911, quand j'ai raccroché les gants à 39 berges et que j'ai acheté ce bar. Et pendant les 3 années qui ont suivi, je les ai connus plus heureux que des rois. Kléber adorait Véro. Il l'appelait même sa femme, devant les autres. En fait, même sans papier tamponné, ils s'étaient unis pour s'aimer toute la vie, jusqu'à ce que la guerre les sépare. Et encore, même pendant la guerre, Kléber s'arrangeait pour avoir des permissions plus souvent que les autres. Il les passait pour une bonne moitié au lit avec Véro, et pour l'autre, dans tous les lieux où on s'amuse. Si vous l'aviez vu se promener au bras de sa gigolette, en veston de tweed, son canotier sur l'oreille. Mais alors savez-vous pourquoi il ne lui a pas adressé directement sa dernière lettre? En fait, il s'était disputé lors de la dernière permission de l'Esquimau. J'ai jamais compris pourquoi. Ni l'un ni l'autre n'a voulu m'en parler. Moi, je pensais que c'était juste une petite querelle d'amoureux, que ça ne durerait pas. Mais quand Véro a appris la mort de Kléber et qu'elle a déboulé ici ce sale matin de janvier 17, je lui ai montré sa dernière lettre et je lui ai demandé de s'expliquer. Tu l'étouffes dans mes romans. Tu crois que sa prochaine permission, je ne m'étais pas promis de lui sauter au cou. J'avais tout effacé, oui, tout effacé. Assieds-toi. Calme-toi. Allez, allez, tout le monde dehors, le bar est fermé. Allez, rentrez chez vous. Rentrez chez vous, s'il vous plaît. Tiens. Bois ce petit blanc, ça te fera du bien. De toute façon, Kléber m'a fait jurer de rien dire à personne. Si vous voulez mon sentiment, Kléber était un peu trop vulnérable aux femmes et trop franc pour être prudent. Il a dû faire un écart pendant sa permission, l'avouer à Véro, et elle ne lui a pas pardonné. C'est comme ça que je vois les choses. Tenez. Voilà la lettre, si ça vous intéresse. Mathilde connaissait déjà cette lettre par la copie qu'en avait faite Daniel Esperanza, mais elle n'a même pas eu à feindre de la découvrir. Il lui a semblé la lire pour la première fois. Au travers de cette écriture maladroite, derrière ces misères d'orthographe d'un gamin du ruisseau, lui est brusquement apparu un soldat ligoté, transi, pitoyable, qui se retournait en haut d'une échelle de tranchée pour demander à protéger plus pitoyable que lui. Et au pâté que tu m'as mis au dé sur ton comptoir et à nos rigolades quand on sortait les siphons, ça au moins c'était de la bonne bataille. Je suis mutée ailleurs, alors si tu reçois pas de nouvelles pendant quelque temps, pas de soucis, j'ai la santé. Allez, va. Le bonjour à tous les amis et à toi, longue vie. Kléber. Post-scriptum, je peux te le dire, ça te fera plaisir. J'ai retrouvé Biscotte et on s'est rabibochés. On était tous les deux bien bêtes. Vous connaissez Biscotte? Lui non plus, il est parvenu de la guerre, le pauvre. C'était un bon bougre pourtant, un grand échalard très maigre, et qu'on appelait Biscotte à cause de ses biceps. C'est Biscotto, parce qu'il n'en avait pas. Kléber et lui étaient copains depuis les inondations de 1910. Ils avaient sauvé une vieille femme de la noyade, tous les deux. Et après, ils ont fait la troule ensemble. La troule? Oui, ils se retrouvaient tous les samedis au carrefour du Faubourg Saint-Antoine et de Ledru-Rollin pour vendre les commodes, les consoles, tous les petits meubles qu'ils fabriquaient. L'Esquimau, le bois le détestait pas. Il n'y a qu'à voir la maquette. Mais Biscotte, vous pouvez même pas imaginer. Il avait des mains comme on n'en verra plus. Des mains d'orfèvre de l'acajou. de pianiste du merisier. Des mains d'enchanteur, quoi. C'est à cause de la guerre qu'ils se sont brouillés? J'en sais rien. C'est drôle, eux qui étaient nés dans le même quartier, ils se sont retrouvés là-bas, dans le même régiment et la même compagnie. La Marne, la Wèvre, la Somme, Verdun. Ils ont tous souffert ensemble. Et quand l'un revenait en permission, il donnait des nouvelles de l'autre. Et puis un jour, la belle amitié s'est rompue. Ils ne pouvaient plus supporter. Il paraît qu'ils se disputaient pour un rien. Un paquet de gauloises bleues, une boîte de singes, n'importe quoi. Quand Biscotte est passé caporal, il a demandé à changer de compagnie, et même de régiment. J'ai jamais revu. Vous connaissez son vrai nom? Biscotte? L'Esquimau a bien dû me le dire le jour où il me l'a présenté, mais je m'en souviens pas. En tout cas, je suis bien content de savoir qu'ils se sont réconciliés avant de mourir. Le bon Dieu existe quand même quelque part. Quel temps! J'espère que ton entrevue avec Tiloui a été instructive au moins. Il m'a donné la lettre originale de Kléber Bouquet et cette photo. Elle aurait été prise dans un cantonnement près d'Arras en 1915. Alors c'est lui l'Esquimau, le gars qui fait sa lessive là? Ce gars qui fait la lessive a conduit des diligences et chassé le renard blanc en Alaska alors qu'il n'avait pas même 20 ans. Regarde ses yeux, son cou, ses épaules larges. C'est vrai qu'il inspire confiance. C'est lui qui a demandé à protéger Manèche à Bingo Crépuscule. Je suis sûre qu'il l'a protégé jusqu'au bout. Avant de rentrer chez ses parents rue Lafontaine, Mathilde a voulu faire un crochet par la rue Gay-Lussac pour voir la maison meublée où Mariette Notre-Dame était descendue avec son petit Baptistin en février 1917. Les propriétaires se souvenaient parfaitement d'elle, bien qu'elle ne fût restée chez eux que 3 ou 4 semaines. Oh, c'était un beau brin de fille. Ah oh oui, mais pas bavarde. Ça, non. Elle est restée tout le temps chez vous durant ces quelques semaines? Ah, deux fois, elle est partie pour la journée avec son fils. Chez des amis, qu'elle disait. Ouais. Oh, c'est les seules fois que je l'ai vue porter une robe de couleur. Et sinon, elle était toujours en gris ou en noir. Ah oui. Mariette avait donné son congé dans les premiers jours de mars, expliquant que ses amis lui avaient procuré du travail et l'hébergeraient le temps de se trouver un logis. Le matin où elle avait quitté la maison, elle avait demandé un taxi pour la gare de l'Est, mais elle n'avait pas dit où elle allait, ni laissé d'adresse ou faire suivre son courrier, ne le sachant pas encore. 2 mois plus tard, en mai, une lettre pour elle était arrivée de Dordogne. Et vous l'avez encore, cette lettre? On l'a gardée longtemps. Hein. Au moins un an, je crois bien. On pensait que Mariette passerait peut-être par hasard dans le quartier, qu'elle viendrait nous voir. Ah oui? Mais elle n'est jamais revenue. Jamais. Et vous l'avez ouverte, finalement, la lettre? Oui. C'était le faire-part officiel de la mort de son mari. 30 ans, tué à l'ennemi. Oh, c'était bien triste. Hein. Ah oui, bien triste. Mais que voulez-vous? La pauvre dame était déjà suffisamment informée de son malheur, non? La lettre avait fini dans le fourneau de la cuisine. C'était Un long dimanche de fiançailles. De Sébastien Japrizo. Adaptation, Catel Guillou. 3e épisode, avec Rebecca Stella, Mathilde, Dominique Parent, Sylvain, Johanna Nizar, Tina Lombardi, Didier Brice, Tiloui, Nathalie Canoui, Thérèse Gagnard, Agathe Le Bourdonnec, Sophie Froissart, Les Enfants, Jean Bollery, Le Curé de Cabignac, Constance Carlet, Mariette Notre-Dame, Hervé Colombel, Le Père Trier, Evelyne Guimara, Madame Veuve Roberto Comte, Anna Emily Hans, Véronique Passavant, Daniel Krellenstein, Le Taulier, Marie-Bénédicte Roy, La Taulière, et bien d'autres. Bruitage, Bertrand Amiel. Équipe de réalisation, Sébastien Labarre, Manu Couturier, Vivien Demeyer, Jean-Mathieu Zand. Un long dimanche de fiançailles est paru aux éditions de Noël. À demain.